Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et à 23h. Cette semaine, 1918. Après la guerre, les années folles. Une série documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisée par Diffy Mariani. Au départ de cette série, il y a l'envie d'explorer la sortie de guerre et de scruter une société qui se reconstruit après la grande boucherie qu'on n'en peut plus de commémorer. Plus qu'une victoire, c'est la fin d'un cauchemar, mais le début d'un conflit qui dure encore pour la mainmise de l'or noir. Alors pour commencer les personnages, un géologue en mission, Rockefeller, un officier qui a du nez, un guide souterrain, des historiens qui détricotent, Churchill qui a tout compris, Clémenceau beaucoup moins, des ouvriers du pétrole, anciens vignerons, un mécanicien et les Italiens dindons de la farce. Ensuite le décor, l'héros, un bord de route, l'armée en panne sèche, la stratégie, l'empire ottoman, du pétrole thérapeutique, le canal de Suez, un conflit mécanisé, les taxis de la Marne, la voie sacrée, le musée des blindés, le premier char d'assaut, Liban, Syrie, Irak, des accords, une bonne affaire, totale et des vestiges. Aujourd'hui, deuxième épisode, on descend de la voiture. Alors on va à la fonte de l'Oly, sur la carte c'est ici. Voilà, c'est ça la fonte de l'Oly. Donc c'est le plus ancien bâtiment d'exploitation du pétrole en France qui se trouve au bord de la rivière Tongue, là, quelques 1000 mètres, à peu près un kilomètre au sud de Gabian. Et c'est cette fonte de l'Oly qui a permis ensuite de découvrir le gisement de pétrole qui est lui un peu plus au sud-ouest, en route. La France n'a pas de pétrole, mais une petite idée. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Diffy Mariani. On est à Gabian, à peu près dans le centre du département de l'Hérault. La mer est vers le sud. Et on est à mi-chemin, disons, entre la mer et puis les montagnes du parc régional du Haut-Languedoc. Dans les avant-monts du centre Hérault. Juin 1923. Le géologue Louis Barabé, soutenu par l'un de ses étudiants, Pierre Viennot, est missionné par le comité scientifique du pétrole français. Sa mission ? Prospecter le vignoble de Gabian, à une trentaine de kilomètres de la Méditerranée, sous lequel pourrait reposer un vaste gisement d'or noir. Une première en France depuis la fin de la Première Guerre. C'est en 1924, donc, précisément, que ce premier puits donne du pétrole, et même du pétrole qui jaillit jusqu'à 6 mètres de hauteur. Guilhem Beugnon. Alors évidemment, ça a été un grand remue-ménage dans la population locale, bien entendu, qui allait voir ça avec féerie, mais ça a été surtout l'espoir de la découverte d'un gisement de pétrole exploitable au même titre que celui de Pechelbronn, qui était le seul gisement exploitable en France à cette époque-là, et qui était redevenu français depuis très peu, puisque voilà, on est en 1924, la fin de la guerre c'est en 1918, et Pechelbronn étant en Alsace, évidemment, il était sous la maîtrise des autorités allemandes. 1914. La France n'exploite pas la moindre goutte de pétrole sur son territoire. Contrairement aux Anglais, qui ont déjà mis la main sur le pétrole perse, le gouvernement français ne semble pas passionné par la question. L'automobile est un phénomène nouveau et les vertus du pétrole sont essentiellement exploitées à des fins thérapeutiques et surtout comme moyen d'éclairage. La France reste dépendante du pétrole américain de la Standard Oil du puissant Rockefeller et de ressources venues d'Europe centrale. Mais ces dernières vont rapidement se tarir avec la guerre. Au cœur du conflit avec l'Allemagne, l'armée est menacée de panne sèche. C'est alors, soudainement, que le gouvernement prend conscience de la place stratégique occupée par cette ressource nouvelle. Le partage d'un empire ottoman en pleine décomposition, dont les richesses du sous-sol mésopotamien ne sont toujours pas exploitées en 1914, serait une belle occasion, inespérée, pour acquérir un début d'indépendance énergétique et rivaliser avec les puissances américaines et britanniques. Mais revenons à Gabian. Plusieurs siècles avant la prospection du géologue Barabé, à l'heure où le pétrole n'est pas encore cette arme fatale. Là, on va faire en voiture ce que l'officier italien de la suite de Jean de Bonzy a fait à pied, c'est-à-dire descendre la Tongue sur quelques mètres et arriver sur le lieu donc a été découvert pour la première fois suintement de pétrole qui arrivait avec de l'eau et qui était à cette époque-là déjà en Italie, on va à droite et puis ensuite à gauche, qui était déjà en Italie du côté de Modène exploité à des fins thérapeutiques. Donc l'évêque de Béziers a tout de suite senti l'importance qu'il y avait à avoir du pétrole dans sa seigneurie. Donc ce sont eux qui ont commencé l'exploitation. Là on va le voir tout de suite en arrivant. Là on va prendre à gauche, on est sur la route de Pouzol qui est un petit village voisin. Alors c'est intéressant parce que on a voulu ensuite voir du pétrole partout. Donc on a dit que Pouzol, le nom de Pouzol voulait dire puits d'huile, ce qui est en fait étymologiquement faux. Mais ça a été la découverte du pétrole à Gabian a généré une demande de concession incroyable dans tout le département de l'Hérault. Évidemment surtout autour de Gabian, mais plus loin dans le département de l'Hérault. Là on va se garer à gauche au niveau de cette vigne là. Et puis on cheminera à pied. Bon, on peut se garer là, voilà, c'est pareil. C'est parfait. Voilà, et c'est au point vraiment de rencontre de ce chemin de Fousillon qui traversait la Tongue à gué que notre officier italien va sentir l'odeur du pétrole avant même de le voir. Voilà, là on descend le talus et on arrive à la bâtisse de la Font de l'Oil. L'endroit est très reculé, méconnu, dans une position très pittoresque au bord de la rivière. C'est tout petit, c'est quelques mètres carrés, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas du tout évidemment dans la position qu'a vu l'officier italien quand il l'a découvert à la fin du XVIe ou au tout début du XVIIe siècle, parce que lui en fait, il a senti le pétrole, il a creusé un petit peu dans le sable, et là il a vu une arrivée d'eau, une source, et cette source était chargée de ce suc huileux qui irisait l'eau, c'était le pétrole. Donc il a tout de suite conseillé à son évêque, Jean de Bonzy, de l'exploiter. Alors Jean de Bonzy a fait construire un puits au-dessus de la source, et puis on écumait le pétrole. Donc, on va descendre, si vous voulez, dans les entrailles de cette source. Il y a quelques mois encore, le toit était en ruine. Il était dangereux. Voilà. On descend ? Donc c'est un peu périlleux. J'ai pas de lampe, mais enfin. On va s'habituer peut-être à l'obscurité. Et voilà, on arrive dans ce bassin carré qui a été creusé dans le rocher. Donc il faut imaginer le personnel de Jean de Bonzy et puis ensuite des évêques successifs de Béziers écumant ici le pétrole pour ensuite le mettre dans des récipients et le vendre un peu partout puisque il était vendu localement au prieuré de Cassan, qui est un prieuré voisin. Il était vendu à Paris, mais ensuite il était aussi expédié en Europe et on a aussi des attestations comme quoi il a pu être vendu en Amérique. Alors mon rêve, ça serait de retrouver une de ces fioles de pétrole thérapeutique, mais pour l'instant, on n'en a jamais retrouvé. Alors comme le pétrole avait une forte valeur à cette époque-là, parce que c'était vraiment un remède quasiment universel, il servait à traiter les maladies de la peau, il servait à traiter les douleurs des femmes enceintes, il servait à traiter les vers des enfants, on l'utilisait aussi pour soigner les encolures des chevaux, c'est-à-dire que lorsque les chevaux s'étaient blessés les pattes en marchant sur des clous, on utilisait ce pétrole. Donc il avait une valeur commerciale considérable et on avait pris l'habitude au XVIIIe siècle de le falsifier, c'est-à-dire de prendre de l'huile d'olive, de rajouter de la poix, d'en faire quelque chose de noir et de le vendre comme pétrole de Gabian. Alors l'évêque de Béziers avait décidé de le faire mettre dans des fioles et de fermer les fioles avec un cachet et avec son sceau, de sorte que c'était le seul vrai pétrole de Gabian, celui qui était scellé aux armes de l'évêque de Béziers. Voilà, c'est assez difficile, on a vraiment les pieds qui collent. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que André Paillès, qui était un vieux gabianais et qui avait travaillé dès 1924 à l'exploitation industrielle, se souvenait que quand il était enfant, on lui donnait quelques gouttes de pétrole sur du sucre, parce que le pétrole a un goût absolument immonde. On lui donnait quelques gouttes de pétrole sur du sucre pour soigner les vers des enfants. Donc c'était resté une tradition jusqu'au début du XXe siècle. Vous avez le souvenir de... Comment de, vous avez le souvenir d'autres emplois de l'huile de la faune des lolis, autre que comme médicament, quoi. Eh bien, moi, j'en ai eu bu, étant gosse, mon père, ainsi que ma pauvre mère, disait, quelques gouttes pour les verres. André Payès, avec Jean-Pierre Bézombe-Vaillé, 1989. C'est très bon pour les gens qui ont des déficiences musculaires et puis une ossature, et pour les jeunes enfants. Il y a même des gens qui allaient en chercher un de fusion, que ça lui faisait du bien pour le foie. On la mettait, n'est-ce pas, pour les tiques, les chiens. Mon père, il en passait aux oreilles des chiens pour les tiques. Très vite, cette source, on l'a appelée en occitan la fonte de l'oli, c'est-à-dire la source d'huile de terre, c'est-à-dire le pétrole. Et c'est elle qui a fait supposer aux géologues en 1923 qu'il y avait un gisement de pétrole qu'ils ont découvert 1200 mètres au sud-ouest, au pied de la colline de Cadablès. Et c'est là où on a foré les 57 forages qui ont été forés entre 1924 et 1931 par l'ONCL. Voilà. Donc c'est cette fonte de l'Oly, elle est vraiment là à l'origine de la découverte du gisement de Gabian. Parce que s'il n'y avait pas eu ces suintements, ou si ces suintements étaient passés inaperçus, il n'aurait certainement jamais eu l'idée de venir chercher ici, prospecter ici sur la commune de Gabian. La source, de toute façon, à la fin du 19e siècle, elle était épuisée. Donc, dès la fin du 19e siècle, on n'utilisait plus le pétrole à des fins thérapeutiques. On l'utilisait maintenant comme pétrole lampant, par exemple. Après, évidemment, pour des raisons industrielles. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de pétrole? En fait, à ce moment-là, le pétrole est déjà, avant la guerre de 14, très important comme source de lumière. Mathieu Ozano. Comme lubrifiant, pour faire marcher les grosses machines. On a besoin d'avoir beaucoup de graisse, et le pétrole en fournit beaucoup. L'importance du pétrole, elle est évidente aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, on voit émerger la plus grande fortune de tous les temps, qui est John Rockefeller, le fondateur de la Standard Oil. En Europe, il y a le désir de l'automobile, déjà. L'automobile est rare, encore, dans les années d'avant-guerre. Mais on sent bien que là, il y a en gestation une transformation énorme. En particulier, les Britanniques s'aperçoivent, dans les années qui précèdent la guerre, que le pétrole est beaucoup plus efficace que le charbon pour faire fonctionner la marine. Aux alentours de 1910, en gros, les premiers supercuirassés britanniques passent à la chauffe au mazout. Henri Laurence. Qui permet d'allonger et d'aller plus vite, d'allonger le trajet et d'aller plus vite que la chauffe au charbon. Le Titanic est encore un navire au charbon. Donc Winston Churchill, premier Lord de l'Amirauté, donc ministre de la Marine, décide que l'Amirauté britannique prendra le contrôle de l'Anglo-Persian Oil Company pour avoir une compagnie qui fournira directement du pétrole à la marine britannique, et ce qui donnera un avantage croissant aux alliés durant la Première Guerre mondiale, parce qu'à faire mesure que le temps passe, les navires de guerre, les grands navires de guerre, les grands cuirassés, puisqu'à l'époque il n'y a pas de porte-avions, fonctionnent de plus en plus au mazout et de moins en moins au charbon. Tout simplement parce que le pétrole permet de faire des navires qui sont plus rapides, emportent moins de charges, qui mobilisent moins de matelots. Il faut bien comprendre que les soutiers dans les navires à charbon étaient très nombreux à devoir pelleter jour et nuit le charbon pour alimenter les chaudières. Le miracle, en quelque sorte, qui éclot avec le pétrole, l'un de ces miracles, c'est que le pétrole a toutes sortes de propriétés physiques bien plus avantageuses que le charbon. Et le génie politique et le coup de poker de Churchill consiste à faire un changement de pied stratégique qui consiste à dire, ok, la source de notre puissance, ça ne sera plus le charbon que nous avons sur notre territoire, dans les mines du nord de l'Angleterre et du Pays de Galles, qui va être le facteur décisif de notre puissance. Ça ne va plus être ce charbon qui est sur notre territoire, ça va être le pétrole de la Perse, donc à des milliers de kilomètres de Londres. Et on comprend pourquoi, dès cette époque, le canal de Suez, parce que l'essentiel du fret qui passe par le canal de Suez, c'est du pétrole, pourquoi le canal de Suez va prendre une telle importance géostratégique. Quelque part, la guerre de 14, c'est la victoire du pétrole contre le charbon. Tout le monde n'a pas la même intuition. La France, je pense que dans l'esprit des hommes politiques, peut-être dans l'esprit de quelqu'un comme Clémenceau, on se dit que la puissance, c'est les hommes, c'est la terre. Il y a une phrase qu'on prête à Clémenceau au début de la guerre, qui est peut-être apocryphe, je ne sais pas. On dit que quand on lui avait posé la question du pétrole et de l'accès au pétrole, on parlait plutôt d'huile à l'époque, Clémenceau aurait répondu par une boutade en disant « mais quand j'ai besoin d'huile, je vais chez mon épicier ». On sait que l'armée française a mis très longtemps à comprendre ce que changeait l'arme mécanique. Même De Gaulle ne l'a réellement compris que dans les années d'après-guerre. Et pourtant, le pétrole, par ses qualités propres, presque aux dépens de l'esprit des grands généraux français, va transformer les choses d'évidence. Avec l'arrivée de la cavalerie mécanique et des premiers chars d'assaut, on voit bien, à ce moment-là, dans la capacité des chars d'assaut à rompre la guerre de tranchées, qu'on a là une source de puissance incomparable. Petit à petit, la mécanisation du conflit avait déjà attiré l'attention. Roberto Neberg. On cite toujours, évidemment, comme point de départ, les taxis de la Marne, c'est-à-dire le transport des fantassins d'une brigade d'infanterie sur les bords de la Marne au début du mois de septembre 1914. Mais le moment, si vous voulez, un peu emblématique, c'est la bataille de Verdun, où sur les 30 kilomètres de la route qui va de Bar-le-Duc à Verdun, il y a un véhicule qui roule toutes les 14 secondes, de jour comme de nuit. On y emploie 3500 camions, 800 autobus, 2000 véhicules particulières, 500 tracteurs d'artillerie, qui vont transporter sur les 10 mois de la bataille plus de 24 millions d'hommes et 2 millions de tonnes de matériel et d'équipement. C'est là qu'on voit le rôle important du transport automobile. Maurice Bourgeois, vous vous souvenez de la voie sacrée ? À ce moment-là, d'abord, on ne l'appelait pas la voie sacrée. C'était une route départementale ordinaire. L'histoire en direct, 1995. La voie sacrée, c'était dur parce que... Henri Auclair. Il y avait deux convois ininterrompus. Un qui descendait et l'autre qui montait. Et alors, il fallait toujours se déplacer. C'était toujours, évidemment, l'infanterie, ceux qui marchent à pied et qui devaient laisser passer les camions. Sur cette route, là, circulaient incessamment, non seulement les camions de ravitaillement, mais les batteries d'artillerie qui utilisaient, c'était leur seule voie d'accès. Et ces batteries d'artillerie, il y avait non seulement des 75, mais il y avait des 155, des canons lourds, plus gros lourds encore. Et puis, il fallait entretenir la voie ferrée, organiser par conséquent ce ravitaillement. Et ça a été justement l'action du général Pétain. Les Allemands n'avaient pas de pétrole, sauf un peu qui prenait en Roumanie, tandis que les Alliés disposaient du pétrole, essentiellement du pétrole américain, durant cette période. Et ça a accéléré la transformation des armées alliées qui sont passés de plus en plus à des armées d'abord transportées par camion. Vous avez tous l'image de la fameuse voie sacrée de Verdun, où vous avez une noria continue de camions qui alimentent le front français de Verdun durant toute la bataille de Verdun. Ça, c'est impensable du côté allemand. Ils n'ont pas le pétrole pour faire une voie sacrée alimentant. Alors, vous avez l'arrivée, le développement fulgurant de l'aviation. Donc, il y a des milliers d'avions de combat, enfin, d'observation ou de combat, ou même déjà de bombardement. En 1918, et puis vous avez l'arrivée des tanks à partir de 1917. Donc vous avez une motorisation des armées alliées, Il y a un mot célèbre de Lord Curzon, le grand homme d'État britannique et le membre du cabinet de guerre britannique, qui dit « La victoire alliée s'est faite sur un flot de pétrole ». Attention s'il vous plaît, l'adjudant-chef Pompougnac est demandé à l'accueil. L'adjudant-chef Pompougnac, merci. Musée des blindés, Saumur, août 2018. Là, on va aller voir le FT-17. Alors là, il part pour Verdun cet après-midi, enfin demain matin. Alors, Monsieur Chenot, notre chef d'atelier. Bonjour. Pour le FT-17, on peut essayer de démarrer. Ouais. Là, le FT-17, c'est le char qu'on peut considérer comme le premier char d'assaut. C'est le premier char au monde qui est équipé d'une tourelle qui tourne à 360 degrés. C'est quelle année ça, papa ? Ça, c'est 1917. Hein. C'est 17-18. Il est créé toujours avec le général Étienne, c'est le père des chars en France, et avec Louis Renault. Hein, tout ce qui était. Après, il y a eu pratiquement plus de 3000 chars construits jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Hein, et après, on va les retrouver dans le monde entier. Dans le musée, on a un char, par exemple, qui est sur le plateau, qui lui revient d'Afghanistan, qui a été récupéré en Afghanistan. Voilà, donc c'est le démarrage, comme les voitures de l'époque, à la manivelle. Donc le pilote était déjà obligé de sortir, ce qui était quand même un inconvénient majeur si le char calait pendant les combats. Ce jour-là était le 16 avril 1917, et un monument rappelle sur la terre champenoise la première bataille à laquelle participèrent des chars d'assaut français. C'était à Barry-au-Bac. Et les chars d'assaut s'appelaient encore AS, artillerie spéciale. Cette première utilisation des chars fut d'ailleurs un échec sanglant. Oui, ça a pas. Le résultat escompté n'était pas à la hauteur des espérances. Beaucoup de chars ont été détruits, n'ont pas pu être réparés ou dépannés sur place, ce qui fait qu'il y a eu quand même plus de 60% des chars qui ont été soit détruits, soit n'ont pas participé au combat. Hein, là, les combats de Berry-au-Bac, le Moulin de la Faux, 16 avril 1917. Ça n'a pas été une bonne expérience pour les débuts des chars en France. Oui, il ne faut pas oublier que la Première Guerre mondiale, c'est la guerre du commencement de la bascule entre le vivant et la mécanique. Alexandre Chenot. Au début de Première Guerre mondiale, il n'y a quasiment que des chevaux et des charrettes. Au fur et à mesure, on bascule, les camions arrivent, sur la fin, les chars arrivent. Et toute cette période-là, donc le plus gros des ravitaillements est quand même fait par les chevaux, quoi. On parle des camions, mais les camions ne restent qu'une petite partie. Hein. Et les chevaux, on les retrouve encore en 40. Hein. Donc, 40, il y a encore des chevaux, il y a encore des artilleries qui sont tractées par des chevaux. Ça a évolué quand même doucement. Et là, quand on voit la mécanique, hein, voilà, c'est du très très vieux moteur. Hein. C'est le moteur d'origine hein, qui tourne sur ce char-là. Bon, ça fonctionne bien, mais bon, c'est. Au fond du véhicule, ton robinet d'essence. Oui. Là, en plein centre. Plein centre. Oui, d'accord. Et essence, donc le stop moteur, il est là, là. Ouais, on appuie dessus. Là, l'accélérateur à main, moi j'en mets toujours un petit poil. Ouais. Pas beaucoup, mais un petit peu. Voyez. Là. Une fois que vous avez ouvert là-bas, vous appuyez ici. Jusqu'à temps que ça coupe. consomme beaucoup de... Je pense qu'on est à un peu plus de 50 litres heure. Donc fait 2 heures, à peine 2 heures sur le terrain, quoi. C'était problématique, j'imagine, non, à l'époque, non? Un petit peu, oui. Ils devaient embarquer de l'essence en plus, dans des bidons. Donc il fallait qu'ils s'arrêtent à l'abri pour pouvoir refaire le plein par l'extérieur. En plus. C'est quoi les qualités de un de ces premiers chars finalement de l'histoire militaire en France? Le FT est assez rapide pour l'époque. On est à sur route, il peut aller jusqu'à 7-8 km/h à peu près. Le FT-17, c'est le char de la victoire. Le Schneider, le Saint-Chamond, c'était le balbutiement. On commence à étudier un petit peu. On va inonder le champ de bataille par des petits chars qui sont vraiment très très fluides sur le terrain. Ce qui fait que pour les canonniers allemands, c'était très très compliqué de détruire un FT-17 comparé à un Saint-Chamond ou un Schneider. C'est qu'une seule personne dedans, dans chaque... Une personne. Donc, il y a le pilote et le chef de char. Là, je remets les plaques moteurs, en fait. C'est un nettoyage que ça commence à être gras. Là, on refixe les plaques à l'intérieur. Évidemment, on a toute l'image de la Grande Guerre comme une guerre d'immobilisation, de tranchées. Mais le grand événement de 1918 qui amène la conclusion de la guerre, c'est le passage progressif de l'immobilité à la mobilité. On retrouve à la fin de la guerre la mobilité, sinon on ne pourrait pas avoir de victoire. Et donc le Lerndorf, quand il lance ses grandes offensives allemandes au printemps 1918, il est obligé de concentrer tous ses moyens sur un secteur du front par chemin de fer et puis donner ce qu'on appelle un coup de boutoir. Et en général, le front français ou britannique craque et la pénétration allemande se fait sur quelques dizaines de kilomètres et puis ça s'arrête parce que les alliés par camion mobilisent les réserves et les transferme sur l'endroit où le front a craqué et stoppe l'offensive allemande. Et là, il faut 15 jours, 3 semaines pour les Allemands pour refaire une nouvelle concentration, pour donner un choc. Alors que quand Foch prend l'offensive durant l'été 1918, surtout à partir du 8 août 1918, jour de deuil de l'armée allemande, les offensives de Foch sont des offensives continues. Dès qu'une offensive s'arrête sur un point du front, automatiquement une autre commence ailleurs parce que on transfère par camion les hommes et le matériel. Et cette mobilité accrue des armées franco-britanniques et de plus en plus américaines en 1918 est la clé de la victoire. Donc à partir de ce moment-là, pour l'ensemble des acteurs alliés, le pétrole devient le produit indispensable pour faire la guerre. Et donc ça devient un facteur géopolitique essentiel. Allez, en route. D'un coup, il y a la peur de la pénurie. On manque de carburant. On s'aperçoit que l'offensive de 1917, dans cette offensive victorieuse qui est en train de changer le cours de la guerre, effectivement, le char d'assaut a un rôle prépondérant, à tel point que, à un moment donné, au cours de l'année 1917, l'état-major français fait savoir à Clémenceau qu'on manque de pétrole. Et que précisément, cette offensive qui est en train de fonctionner, de porter ses fruits, risque de tomber tout simplement en panne sèche. Voilà, là on revient sur nos pas et on prendra à gauche le chemin du pétrole, c'est son nom, qui a gardé le souvenir de cette exploitation. Voilà, ici... Non, pardon, c'est après. Après le panneau, là-bas. Voilà, donc ce domaine de Bastard, qui s'est appelé après domaine de campagne de Quignard. Là, ont été forés les 57 puits de pétrole entre 1924 et 1931. Et là, on va prendre à gauche ce petit chemin-là. Et voilà, et là on rentre vraiment dans le vallon où se sont concentrés les puits productifs. qu'ici, on a la colline de Canteperdrie et tous les puits de pétrole ont été forés, les puits productifs ont été forés dans ce vignoble-là, de part et d'autre de notre chemin. Et ici, au milieu de cette vigne, le premier puits, le puits numéro 1, donc celui qui a donné du pétrole, qui a jailli jusqu'à 6 mètres de hauteur. Voilà, on est vraiment au cœur de l'espoir industriel français. Le quatrième puits, celui qui a été foré dans cette direction-là, a été inauguré par un ministre de l'époque. Il était sous-secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, Moreau de Giaferi. Et bon, il était connu parce qu'il avait été l'avocat de Landru. Voilà, donc on imagine évidemment Gabian, ce petit village reculé qui ne vivait que de ses vignes, recevant cette visite ministérielle en 1925. Ça a été vraiment la première tentative réussie, quelque part, d'exploitation de pétrole sur le sol français. C'est un espoir qui naît, voilà, un espoir qui et qui a suscité beaucoup de convoitises. La commune de Gabian très vite a réuni le conseil municipal en se disant, bon, voilà, on va électrifier la commune, on va construire une nouvelle école, etc., etc. Parce que les ouvriers de Pechelbronn sont arrivés avec en famille. Voilà, Pechelbronn qui avait envoyé ses techniciens. Qui avait envoyé ses ouvriers spécialisés, ses techniciens et ses ingénieurs. Il n'y avait aucun savoir-faire ici. Alors soit ils ont logé dans un hôtel, l'hôtel Barral, soit ils ont logé dans des familles qui louaient des chambres. Évidemment, les effectifs à l'école ont augmenté. Et puis, ces Alsaciens amenaient avec eux une culture différente. Déjà, la culture de la bière. Ici, on buvait que du vin. Enfin, paraît-il que les Alsaciens se sont très vite mis au vin, ce qui a facilité un petit peu la compréhension. Puisqu'au départ, on ne se comprenait pas. Hein, les uns parlant occitan, les autres parlant alsacien. Et les ouvriers gabianais qui ont été employés au pétrole, en fait, ils étaient tous ouvriers de la vigne. Mais ils disaient que c'était d'une part beaucoup moins fatigant, parce qu'ils étaient là sur les lieux d'exploitation, et puis il suffisait de tourner la clé et puis de surveiller que tout se passait bien. Donc c'était bien moins fatigant et c'était bien mieux payé que de travailler à la vigne. Voilà. Donc André Payès notamment, qui a sollicité cette augmentation, que lui-même n'a pas eue, mais que les autres ouvriers de Gabian ont eue grâce à son intermédiaire, le disait. Alors moi, j'ai travaillé au puits numéro 2, fin 24 à 25, au puits Moreau de Giaferi, à Fusion, c'était. Alors là, j'ai été révoqué pour cause syndicale. Les Allemands, on faisait le même travail, gagnaient 27 francs, et à nous, on ne payait que 13 francs. Moi, ce que je dis, c'est très facile, je vais faire une pétition, vous la signerez tous, et j'ai envoyé ça à la direction à Pechelbronn. Et alors, comme résultat, le chef de district ici, monsieur, je ne me rappelle plus le nom, enfin bref, il m'a fait appeler, il m'a dit, vous avez écrit là-haut à Pechelbronn, telle chose comme ça, ça m'a visé, il m'a franqué dehors. Ils ont eu l'augmentation et moi j'ai eu la porte. À l'automne 1917, on s'aperçoit que les stocks de produits pétroliers, et notamment d'essence, pourraient arriver à néant au mois de mars 1918. Or, il faut bien, pour comprendre la gravité de la chose, il faut voir quelle est la situation de la guerre, disons, au début du mois de novembre, c'est-à-dire au moment où Georges Clemenceau arrive au pouvoir. Il y a d'une part la défaite italienne qui vient de se produire à Caporetto, qui a fait craindre à un moment l'effondrement complet du front italien. Il y a d'autre part la situation en Russie, et début novembre donc la deuxième révolution, la révolution bolchevique, avec l'intention déclarée des bolcheviques d'arriver à une situation de paix, qui va se traduire quelques semaines plus tard par l'armistice de Brest-Litovsk, ce qui va permettre à l'Allemagne d'en renvoyer des unités qui combattaient sur le front de l'Est, sur le front de l'Ouest. On calcule, si vous voulez, que l'Allemagne sera en mesure de lancer au printemps 1918, avec des unités donc supérieures en nombre, des grandes offensives, avant l'arrivée massive des troupes américaines qui ne pourra arriver qu'au second semestre 1918. Et c'est bien le calcul que les Allemands ont fait, puisqu'ils ont réussi à ramener environ 44 divisions du front de l'Est sur le front occidental et qu'ils ont lancé, au printemps 1918, la série d'offensives dont ils espéraient qu'elles emporteraient la décision ou du moins un avantage suffisant pour contraindre les Français et les Anglais à traiter avec eux. Et Clémenceau envoie un câble transatlantique qui est une sorte d'appel au secours qu'il envoie au président Wilson pour lui demander de toute urgence d'envoyer, quel qu'en soit le prix, un maximum de navires citernes à travers l'Atlantique et jusqu'au Havre pour précisément qu'on puisse continuer cette offensive qui est en train de réussir grâce au char Renault FT en particulier. Et avec son génie du verbe, Clémenceau a cette phrase qui est un symbole de la prise de conscience que, au cours du XXe siècle, finalement, la puissance sera d'abord la puissance fournie par le pétrole. Il écrit ceci au président Wilson. « Si les alliés ne veulent pas perdre la guerre, il faut que la France combattante, à l'heure du suprême choc germanique, possède l'essence aussi nécessaire que le sang dans les batailles de demain. » Voilà. Il met au même niveau le sang des poilus et le pétrole de la Standard Oil. Il y a là une prise de conscience tardive si on la compare à Winston Churchill, que le pétrole, la puissance fournie par le pétrole, est capable de tout changer dans le destin des nations et dans la volonté de puissance des nations. L'année 1918, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois, ce matin-là, ce fut l'armistice. C'est signé. La guerre est terminée. Vive la France. Les rues n'étaient pas noires de monde. Les rues étaient bleu horizon de monde, étaient kaki de monde. Il y avait tout ce que l'on peut imaginer comme force armée des alliés, soldats, aviateurs, militaires, marins, français, anglais, belges, serbes, polonais, il en sortait de partout. C'est assez frappant d'ailleurs de voir que les deux plus grands, sans doute, butins de guerre que se disputent les alliés, et en particulier les Britanniques et les Français au sortir de la guerre, sont de nature énergétique. Le charbon de la Ruhr, d'un côté, et le pétrole de Mossoul, de l'autre côté, qui est plus lointain, qui est incertain, parce qu'on ne l'exploite pas encore, et pourtant, à la fin de la guerre, les géostratèges et les diplomates français et britanniques, et les Américains ne sont pas très loin et surveillent ce jeu, ont précisément dans la tête que, finalement, c'est non moins important de disposer de ressources abondantes de pétrole que d'avoir beaucoup de charbon. Et c'est pour arriver à un compromis entre la Grande-Bretagne et la France que fut conclu en 1916 un accord préliminaire qui porte le nom de ces deux négociateurs, l'accord Sykes-Picot. Cet accord stipulait qu'après la guerre, la France étendrait son influence directe ou indirecte sur le Liban, la Syrie et la partie septentrionale de la Mésopotamie, de l'Irak, y compris Mossoul. Par contre, la Grande-Bretagne aura la majorité de l'Irak, y compris Basra et Bagdad, et naturellement, sa domination de l'Égypte serait confirmée. Dans les accords Sykes-Picot, on a l'un des éléments qui préside à ce choix de partager le Moyen-Orient en deux, le nord aux Français, le sud aux Britanniques. Il y a cette idée de mettre la main sur le pétrole de Mossoul. Et puis, il y a tout simplement le fait que, à nouveau, ce pétrole-là, même si on voit très bien que c'est la denrée principale qu'il y a à se partager dans l'Empire ottoman, il n'est pas exploité en 1916. À tel point qu'on a commencé par attribuer ce pétrole pour partie aux Français. Potentiellement, ce pétrole qui n'est pas encore exploité était potentiellement attribué aux Français dans le cadre des discussions entre Sykes et Picot. Et puis à la fin de la guerre, immédiatement après la signature de l'armistice, Clémenceau se rend à Londres et cède Mossoul. Cède Mossoul tout simplement parce que la France est exsangue et n'a pas les moyens d'occuper la région. Mais par contre, il y a une discussion qui se met en place, qui est très pointilleuse côté français, pour bénéficier de ce pétrole. il va y avoir tout un jeu diplomatique complexe qui va se poursuivre tout au long des années 20 pour que la France bénéficie de ce qui est véritablement l'un des principaux butins de guerre de la Première Guerre mondiale. Vous avez la scène célèbre sans témoin qui est aux alentours du 1er décembre 1918. Clémenceau va à Londres pour s'entendre avec Lloyd George. Donc Clémenceau ne veut pas que les affaires du Moyen-Orient gênent les négociations globales, rive gauche du Rhin, etc. Donc il vaut mieux régler ça à l'amiable. Donc Clémenceau dit à Lloyd George, qu'est-ce que tu veux? Et Lloyd George dit la Palestine. Clémenceau dit d'accord, compte tenu que normalement la Palestine devait être sous une tutelle franco-britannique, selon sa explico. Et qu'est-ce que tu veux d'autre? Et Lloyd George dit Mossoul. Clémenceau dit d'accord, mais sous réserve. Et tout le monde comprend que les réserves en question, c'est la question du pétrole. Et donc, vous aurez une négociation avec des claquages de portes. On va revenir, on va ressortir. Elle est mondiale, elle n'est pas simplement sur Mossoul. Donc, ils abandonnent Mossoul aux Anglais contre 23-75% du capital de la future Iraq Petroleum Company. Et c'est une très bonne affaire pour la France, puisque c'est à partir de Mossoul qu'est créé Total. Les Anglais expliquent que si par mésaventure les Français insistaient pour garder Mossoul, les Anglais ne soutiendraient pas les doléances françaises pour les réparations demandées à l'Allemagne, le contrôle peu ou prou du charbon allemand, pour les conditions de la restitution de l'Alsace et la Lorraine. C'est suffisamment important pour les Britanniques pour qu'ils mettent ça dans la balance. Et c'est très clairement dit dans les négociations qui ont lieu dans les mois après l'armistice par les Britanniques. Donc en quelque sorte, il y a le calcul qui semble être fait de se dire, bon ben laissons les Anglais qui de toute façon sont là, occupent cette région déjà, mais forçons-les avec d'autres... C'est un marchandage, hein, c'est un maquignonnage qui est fait à la fin de la guerre. Obligeons-les, contraignons-les à partager ce butin sans l'occuper, sans avoir à en subir le coup. C'est peut-être... Je me souviens que c'est au débouché d'un chemin... que ce soit de l'autre côté du petit chemin. Ah ben oui, c'est ça. Là, on voit le tuf, en fait, de la source qui était très chargée en carbonate et qui s'est déposée. Donc il faut arriver à passer de l'autre côté. Si on peut arriver à sauter par là. Donc là, on marche sur ces chemins de vignes, au pied du domaine de Canterbury, donc cette colline qui est aujourd'hui complètement recouverte avec des pins. Puis ça a été nettoyé, là, alors du coup. Alors évidemment, les vignerons de Canterbury sont un peu enrichis avec le pétrole, parce que les sociétés, l'ONCL, louaient, puis après d'autres sociétés, leur louaient les terrains, évidemment, puisqu'il y avait quand même un manque à gagner. L'ONCL, par rapport à la vigne, l'Office national des combustibles liquides. Donc c'est l'organisme de l'État qui était chargé de l'exploitation ici à Gavien, qui est né après la Première Guerre. Et donc c'est à l'intérieur de cette colline, au milieu des broussailles, on va y aller, que l'on trouve les seuls vestiges qui demeurent de l'exploitation de pétrole, à savoir des bassins, des petits bassins en ciment superposés qui servaient à décanter le pétrole. Alors, j'essaie de me souvenir... Où est-ce qu'on voit ? Je ne sais plus trop. Je ne sais plus trop. On va descendre un petit peu. Voilà ici. Les derniers vestiges de l'exploitation industriel du pétrole de Gavion. Voilà. C'est pas spectaculaire, Mais bon, voilà, c'est comme pour la fonte de l'eau, toute une histoire qui est résumée dans ces quelques blocs de ciment. Le cœur de l'exploitation, c'est la période ONCL, donc la période de l'État, c'est 1924-1931. Alors, au sein du ministère du Commerce et de l'Industrie, il y a une direction qui nous intéresse, c'est la direction des essences et des pétroles. Et cette direction des essences et du pétrole crée un comité scientifique du pétrole avec les plus grands noms de la géologie de cette époque-là. Donc des noms comme Charles Barrois, Louis Gentil, Léon Bertrand. Et c'est ce Léon Bertrand, le professeur Léon Bertrand, professeur à la Sorbonne, qui va encourager des recherches aux abords de la chaîne pyrénéenne. Alors, il charge Pierre Viennot, un de ses élèves, de la région occidentale, les Landes, le Béarn, Pays Basque. Et puis, un autre de ses élèves, Louis Barabé, de la région orientale, Pyrénées et Corbières. Et c'est Viennot qui, bon, voyant que le relief, évidemment, est très tourmenté dans cette région-là, suggère à Barabé d'aller un petit peu se promener du côté de Gabian. Donc, il faut imaginer le professeur Barabé. Enfin, il est devenu professeur Barabé après. Mais le géologue Barabé en train d'arpenter tous ces lieux à la recherche d'indices topographiques d'un gisement de pétrole. C'est les balbutiements, complètement les balbutiements du pétrole. Viennot ensuite a dirigé l'équipe de géologues français qui est allé prospecter la région de Mossoul. Et à partir de là, et avec la création du comité français du pétrole, que s'est structurée en quelque sorte la recherche de pétrole à la fois sur le territoire français et à l'étranger. Et dans ces mêmes années-là, on est entre 25 et 30, on titre dans le journal L'Éclair, le journal régional, Gabian, le nouveau Mossoul, point d'interrogation. La population était déjà, elle se voyait déjà riche comme l'était la Pennsylvanie et que l'or noir allait couler à flot et allait apporter la fortune au village. Voilà. Déjà, on imaginait une mer de derrick, l'électrification de la commune, une raffinerie propre pour traiter le pétrole de Gabian, etc. On y a cru jusque dans les années 30, et puis après, un peu moins, mais encore un peu. Le 15 octobre 1927, à une dizaine de kilomètres de Kirkouk, le pétrole finit par jaillir. Deux prospecteurs sont tués sur le coup, tellement le jaillissement est violent. Et il va falloir plusieurs semaines pour arriver à juguler ce flux incroyable de pétrole qui matérialise et réalise les désirs, les rêves des Alliés d'avoir une source incommensurable de pétrole dans cette partie-là du globe. 15 ans après le début d'un jeu diplomatico-militaire pour arriver à mettre la main sur ce trésor que recelait le désert de l'Empire ottoman. Il n'est plus virtuel. Aussi bien le département d'État américain que Rockefeller et la Standard Oil vont au début très mal prendre le fait que les Français et les Anglais s'arrangent sans les consulter pour se partager le pétrole de Mésopotamie. Avant 14, c'était le grand problème sur la Chine. Les Américains avaient les hantises que les puissances européennes fassent des marchés fermés en Chine. Donc, ils exigeaient l'open door, la porte ouverte en Chine, c'est-à-dire l'égalité d'un traitement entre tous les compétiteurs sur le marché chinois. Et donc, quand il y a l'établissement des mandats, les Américains demandent l'open door sur les mandats. D'où le fait que les compagnies américaines hurlent quand l'Iraq Petroleum Company est créé parce qu'ils sont dehors. Et au nom de l'open door, le gouvernement américain obtient des Français et des Anglais, donc 23-75% de l'IPC passe aux Américains. Le pétrole, surtout dans cette période, même si c'est encore le cas aujourd'hui, ça coûte très cher au départ. Et ça demande un très haut niveau de capital. Et n'importe qui ne peut pas le faire. C'est bien pour ça qu'au départ, les compagnies pétrolières appartiennent au monde industrialisé, parce que les autres ne peuvent pas suivre. Il faut des investissements massifs. C'est pas simplement parce qu'on vous dit vous avez 23-75% que vous allez avoir un satellite de pétrole. Il faut investir beaucoup d'argent sous forme de puits, d'oléoducs, de voies de communication, de raffineries, de pétroliers, etc. Donc les Anglais sont parfaitement contents que dans l'IPC il y a le maximum de monde parce que ça permet de diminuer les coûts. Enfin, chacun met sa part des coûts. Donc vous avez pratiquement toutes les grandes compagnies mondiales de pétrole qui sont à l'intérieur de l'IPC. Donc il n'y a pas de compétition puisqu'ils sont tous dedans. On fixe la ligne rouge et on fixe le prix mondial du pétrole. C'est donc l'IPC qui devient le pivot du système pétrolier de l'entre-deux-guerres. Encore une fois, le système de l'entre-deux-guerres a permis aux économies industrielles de disposer d'un pétrole abondant à prix déterminé et relativement pas cher. Ce qui était absolument capital pour le développement industriel de la période de l'entre-deux-guerres. Il y a eu des promesses que la population irakienne, que l'État irakien ait une part du capital de l'IPC. Il y a eu également des promesses qu'il touche une partie des bénéfices, mais ces promesses n'ont jamais été respectées. Parce que la population locale était trop faible, n'avait pas les moyens de faire valoir son droit au pétrole irakien. Mais de toute façon, le souverain qui a été, le potentat qui a été mis en place par les Britanniques, était à la sortie des Britanniques. Donc c'était un, je répète, c'était un jeu de dupes. Elle n'a jamais été vraiment considérée sérieusement que des gens à peau brune puissent être indépendants. C'était trop tôt. Wilson, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais des blancs. Les Arabes, ils sont brown. Donc on ne sait pas trop, jusqu'ici d'ailleurs les Américains ne savent pas trop toujours où les classer du point de vue racial. Mais pour Wilson, il faut qu'ils attendent un peu pour être totalement indépendants. Il n'a jamais été question pour Wilson de donner une indépendance quelconque aux États arabes. La question était de savoir sous quel mandat ils se trouveraient. Les premiers perdants dès la création de l'Irak, ce sont les Irakiens. En fait, un siècle plus tard, on se rend compte que cette nation aura été très longuement et de façon constante instrumentalisée par les Alliés au nom de sa fortune offerte par Mère Nature, qui était ses ressources incroyables de pétrole. La France n'a pas de pétrole, mais une petite idée. Avec Robert Honneberg, Guilhem Beugnon, Henri Laurence, Arnaud Pompougnac, Alexandre Chenot et Mathieu Ozano. Merci au lieutenant-colonel Pierre Garnier de la Barrère. Archivina, Marine Decanse. Documentaliste, Anne-Lise Signoret. Coordination, Perrine Kervran, Marivonne Bolivier. Prise de son, Yann Frécy. Mixage, Claude Niort. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Diffie Mariani. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter à Dallas, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, les écrivains de la génération perdue. Et n'oubliez pas les autres rendez-vous impeccables de documentaires sur France Culture, Une vie, une œuvre, Création en air, Une histoire particulière et Les pieds sur terre.